أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أما بعد، إن شاء الله تعالى après avoir fini يعني la révision des 10 derniers cours la semaine dernière, on continue avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et on s'est arrêté au dernier cours avec la bataille de Badr et ce qui précédait la bataille de Badr. Donc un bref résumé du dernier cours, et ensuite on continue avec la bataille de Badr. On avait expliqué les causes de la bataille de Badr et on avait cité la cause principale, et on avait dit que yani, les musulmans, donc il y avait les muhajirin et les ansar, qui étaient sortis au nombre de 319 à peu près. 319, et ceci en vue d'intercepter la caravane à cet endroit qui était Badr. Et c'était la caravane de Abu Sufyan. Et donc cette caravane qui venait du Chem et qui partait vers la Mecque. Et donc on avait dit que les musulmans n'étaient pas du tout prêts pour attaquer, pour combattre, pour vivre ce qu'ils ont vécu. Yani, eux, ils voulaient simplement intercepter Afwan, la caravane d'Abu Sufyan, yani, et leur donner un coup quant à leur économie. Et ils étaient sortis au nombre de 319 à peu près. On avait dit qu'ils avaient 2 chevaux et qu'il y avait à peu près 70 chameaux. 70 chameaux, et chaque chameau était partagé yani, par 2 musulmans ou quelquefois 3 musulmans. Et on avait dit que Abu Sufyan, après qu'il ait entendu et qu'il ait eu l'information qu'il voulait yani, attaquer cette caravane-là, donc il a lancé l'alerte et il a envoyé une personne qui s'appelait dans certaines versions Damdam et dans d'autres versions Dumdum, ala kulli hal, une personne pour avertir les Mekkois, donc les Quraysh à la Mecque, comme quoi ils allaient être attaqués. Et donc cette personne est partie voir les Quraysh et il a lancé l'alerte et il a crié au secours et il a dit comme quoi ils allaient être attaqués par Muhammad alayhi salatu wassalam ainsi que les Muhajirin et les Ansar. Et donc, il y avait après 100 muhajirin et le reste était des ansar. Donc, quand je dis 100 muhajirin et le reste des ansar, quand je parle du nombre de 319. Donc, quand on parle de ces musulmans qui sont sortis au nombre de 319, dans ces 319, il y avait à peu près 100 yani, qui fait partie ou faisait partie des muhajirin et le reste faisait partie des ansar. Et donc, ils sont sortis yani, à la rescousse, donc les Mekkois, et certaines personnes ont voulu délaisser yani, cette sortie après que la caravane était mise en sécurité. Donc Abu Sufyan il a dit bon c'est plus la peine de venir yani, à la rescousse. Pourquoi? Parce que quand Abu Sufyan a été mis au courant, donc il a pris un autre chemin et il a mis en sécurité la caravane. Et parmi les personnes qui ne voulaient pas arrêter entre guillemets l'attaque ou continuer ou poursuivre ici cette attaque-là contre Mohammed et les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il y avait principalement une personne qui est à la tête ou qui était à la tête des Mekkois, un des plus grands ennemis yani, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et des compagnons, c'était Abu Jahl. Abu Jahl a refusé et on avait cité les propos qu'il avait dit et il avait dit qu'on se rendrait là-bas à Badr et yani, qu'on boira de l'alcool et on fera chanter les chanteuses, etc., etc. Donc ici, il a poursuivi ici ce qu'il voulait entreprendre pour impressionner les Arabes, d'accord, et se faire connaître et montrer sa force yani, aux Arabes et principalement à Mohammed alayhi salatu wassalam et aux compagnons. Donc ça, on avait vu yani aussi lors du dernier cours. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il s'est retrouvé face à ce grand nombre de personnes, c'est-à-dire le groupe d'Abu Jahl, yani qui était accompagné, c'est-à-dire Abu Jahl, avec à peu près, on avait dit, 1000 hommes. Abu Jahl était accompagné à peu près de 1000 hommes. Donc quand il a vu, ou quand ils ont vu, yani ils ont été au courant de l'arrivée de ce grand nombre de personnes avec toute cette artillerie, avec les armes, etc. Yani, le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé dans une position où il fallait consulter. Il fallait consulter absolument les compagnons, donc les muhajirin et les ansar. D'accord? Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la décision de lui-même, car ils n'étaient pas sortis pour une attaque, mais ils étaient sortis à la base simplement pour intercepter la caravane. Et ils se retrouvent en face d'une armée qui était armée jusqu'aux dents, et qui était prêt à faire la guerre et qui était habitué à la guerre. Donc il était, yani, et on voit là, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, la maturité du prophète alayhi salatu wassalam, et on voit que c'était une personne, yani, qui avait ce qu'on appelle cette clairvoyance-là. Donc il savait très bien qu'il pouvait pas, yani, entreprendre cette attaque sans consulter les compagnons. Il les a consultés, comme on avait vu, au dernier cours. Et bien sûr, il y avait parmi les Ansar certaines personnes qui ne voulaient pas participer. Certaines personnes parmi les Ansar ne voulaient pas participer. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu, yani, le soutien d'Abu Bakr, il a reçu le soutien de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, et ensuite il a reçu le soutien de Al-Miqdad ibn Amr, radiyallahu anhu, qui avait dit, fais ce que Allah azza wa jal t'ordonne. Ya Rasulallah, fais ce que Allah azza wa jal t'ordonne, et on ne dira pas, comme on dit, Bani Israël ou Banu Israël, va toi et ton Seigneur combattre, c'est-à-dire ils ont dit ça, Moussa alayhi salam. Mais nous, nous te disons, va toi et ton Seigneur combattre, et nous, nous sommes avec toi. Donc, il a reçu le soutien de compagnons. D'accord? Et ça, c'est pour montrer la ferveur qu'avait As-Sahaba radiallahu anhu wa ardahum, et rappeler encore une fois que les compagnons étaient des hommes, étaient des gens sincères. Mais le prophète alayhi salam réitérait sa demande et sa consultation à chaque fois. Donc, est-ce que vous êtes prêts à venir? Est-ce que vous êtes prêts à venir? Etc. Et les Ansar ont compris, et parmi eux, leur responsable a compris qu'il voulait vraiment, yani, l'accord, et il voulait vraiment que les Ansar participent avec lui. Il voulait vraiment que les Ansar participent avec lui. Et là, à ce moment-là, on avait dit que Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu arda, ce grand compagnon qui était le responsable des Ansar, donc a dit, je crois, ya Rasulallah, que tu nous vises. Donc, je vois que tu réitères à chaque fois ta demande, et que tu, yani, répètes, yani, qui veut participer, etc., etc. Bien que tu aies du soutien du côté des muhajirines, mais tu continues à réitérer ta demande et à ta consultation, etc. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, Ajal, c'est vrai, na'am. Et ensuite, ici, Sa'd ibn Mu'ad a dit, on sera avec toi, ya Rasulallah. Donc il a donné son soutien au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, on sera avec toi, yani, et tu verras qu'on est des hommes, le jour ou le moment venu, quand on les combattra. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a été satisfait. Donc quand il a vu le prophète alayhi salam qu'ils étaient prêts, donc il les a consultés. Wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah azza wa jalla dit au prophète alayhi salam dans le Coran al-Karim, wa shawirhum fil amr, et consulte-les à propos des affaires. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, quand tu as pris la décision, place ta confiance en Allah azza wa jalla. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime certes ceux qui placent, ou les gens qui placent leur confiance en Allah azza wa jalla. Et ça nous rappelle encore que quoi? Qu'on doit prendre les causes ici. Et ça, le fait de prendre et d'utiliser les causes, ça fait partie de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de placer sa confiance en Allah azza wa jalla, ce qui est connu, sans utiliser les causes et sans prendre les causes, ceci est un égarement pur et clair. Et le fait de placer sa confiance en Allah azza wa jalla sans prendre les causes, ceci est un égarement aussi. Donc on prend les causes, on utilise les causes et on met tout en œuvre pour réaliser n'importe quel projet, et on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est complet. Allah azza wa jalla dit, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu as décidé, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla aime, certes, ceux qui placent sa confiance ou leur confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salam a vu que, ça, il y avait des gens qui étaient sincères, véridiques et prêts à affronter l'ennemi. Maintenant, il doit mettre sa stratégie en place. Il doit mettre sa stratégie en place. En face de lui, là, il a à peu près 1000 hommes. Ils sont que 319. Donc il doit mettre sa stratégie en place. Donc qu'est-ce qu'il fait d'abord? Donc il utilise ce qu'on appelle, yani, il utilise les renseignements. D'accord? On va dire certains espions et autres. Yani, ala kulli hal, il s'informe quant à l'état de l'ennemi. Combien ils sont? Dans quel endroit ils sont? Yani, il cherche toutes les informations possibles pour savoir, yani, dans quel état est l'ennemi, et pour pouvoir savoir comment les attaquer, yani, comment réagir face à l'ennemi, quelle attaque et quelle stratégie exacte utiliser. Donc on se doit de connaître vraiment dans les détails l'ennemi. Ça c'est clair. Donc le prophète alayhi salam se renseigne. Et quand il s'est renseigné, ici, la bataille a débuté. Il n'y avait pas le choix. La bataille a débuté. Il ne fallait pas tourner le dos. D'accord? Quand eux, ils ont accepté de combattre, ils peuvent pas se permettre de tourner le dos. Et on sait que tourner le dos, le jour du combat, Allah Azza wa Jalla l'a dit, c'est, ça fait partie de Al-Kaba'ir, comme on va le voir. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a montré et a mentionné la menace. La menace concernant celui qui tourne le dos lors du combat. Sauf par stratégie. Sauf par stratégie. Et ça fait partie de Al-Kaba'ir. D'accord? Donc, ici, il fallait attaquer. Et donc là, le prophète alayhi salatu wa sallam se retrouvait face à l'ennemi. Ce qui était de tradition à l'époque, c'était que avant qu'il y ait la bataille ou une bataille, ici, avant qu'il y ait ce grand affrontement entre deux tribus, entre deux parties, ce qui relevait de la tradition, c'est qu'il y avait 1, 2, 3 ou 4 combattants de chaque groupe qui s'affrontaient, qui ouvraient, si on veut, le combat. Et ensuite, la bataille commençait entre les deux troupes. Donc ici, à ce moment-là, ce jour-là qui est appelé par Allah Azza wa Jal Yawm al-Furqan. Donc il y a eu cet affrontement entre des compagnons et certaines personnes, de la troupe ennemie. Ce jour-là est appelé dans le Coran al-Karim Yawm al-Furqan. D'accord? Le jour du discernement. Parce qu'Allah Azza wa Jal farraqa fi dhalika al-yawm bayna al-haqq wal-batil. Allah Azza wa Jal a discerné ce jour-là entre le vrai, al-haqq, et al-batil, le faux. Le vrai et le faux. Et on sait de toute façon, de manière générale, que le faux ne reste jamais, ne dure jamais, ne perdure jamais. Tandis que le vrai reste. Dans toute situation. Dans toute situation. Dans toute situation, ça se passe comme ça. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, un verset connu que je répète souvent, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et ce verset coranique a été révélé quand? Quand le prophète alayhi salatu wa sallam, on l'a vu au début de la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam, quand il est rentré, il faut se rappeler concernant asbab al-nuzul, les causes et circonstances des descentes des versets coraniques, est rentré dans la Kaaba et a détruit les statues. Et ça ne concerne pas simplement un événement précis. D'accord? Cet événement-là précis, c'est-à-dire de façon générale, comme on dit et on répète souvent, quand Allah Azza wa Jalla descend un verset coranique concernant une personne, un événement bien précis, une situation, un endroit bien précis, tant qu'il n'y a pas une preuve qui précise ou qui montre que c'est simplement pour cette personne ou cet événement ou cet endroit bien précis, ceci est général. D'accord? Donc, de la même manière, ici, c'est général. Donc, on peut utiliser ce verset coranique de façon générale. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Le faux est voué à disparition avec une traduction approximative. Donc Allah Azza wa Jalla a discerné entre le vrai et le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, يوم الفرقان, يوم التقى الجمعان, والله على كل شيء قدير. Al-Ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce jour. Et ici, si vous voulez voir vraiment comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé et a mentionné cet événement-là dans le Coran al-Karim, il suffit de voyager avec ou dans la sourate al-Anfal. Sourate al-Anfal, donc la sourate, le butin. D'accord, ou les butins. Donc Allah Azza wa Jal, il en parle plusieurs fois dans cette sourate. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés. Et Allah est omnipotent. Vous étiez sur le versant le plus proche. Et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué. Effrayé par le nombre de l'ennemi. Si vous étiez rendez-vous, vous l'auriez manqué. Pourquoi? Vous aurez été effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais Allah Azza wa Jal, donc, mais il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que sur preuve périt celui qui devait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah Azza wa Jal est audient et omniscient et Allah dit dans le Coran al-Karim, en songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. En songe, Allah Azza wa Jal te les avait montrés, c'est-à-dire les ennemis. Allah Azza wa Jal te les avait montrés peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux, vous aurez certainement fléchi et vous vous serez certainement disputé à propos de l'affaire, mais Allah vous en préservait et il connaît le contenu des cœurs, al-ayat, et revenez ici à Suratul Anfal dans le Coran al-Karim. Pendant le mois du Ramadan, s'est passée cette bataille, Ghazwatu Badr, pendant le mois du Ramadan. C'était une nuit plutôt, d'accord? On va parler de la nuit du vendredi. Donc on sait que ça s'est passé pendant le mois du Ramadan, cette bataille. à l'année, quelle année de l'Hégire? On a quelle année de l'Hégire là? L'année 6, l'année 7, l'année 10, l'année 1? Ne me faites pas peur là. L'année 2 de l'Hégire. On est l'année 2 de l'Hégire. D'accord? On avait parlé de l'Hijra. On avait parlé des événements et des choses qui s'étaient passées les deux années de l'Hijra. Et on avait dit la deuxième année de l'Hijra. Voilà la première bataille, la grande bataille de Badr. D'accord? Qui a eu lieu. On est dans l'année 2 de l'Hijra. Donc, pendant le mois du Ramadan. Donc, cette bataille a eu lieu pendant le mois du Ramadan. Donc là, on parle de cette nuit-là. Et on va mentionner qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc, toujours pendant le mois du Ramadan. La nuit, certains historiens ont dit que c'était la nuit, la 27e nuit. À la kulli hal, la majorité disent que, c'était la nuit, une nuit du vendredi. C'est ce qu'on est sûr. C'était la nuit du vendredi ou, la nuit d'un vendredi pendant le mois du Ramadan. Pendant l'année de l'Hégire, tous les musulmans avaient trouvé le sommeil, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt, afwan. Je me trompe avec un événement qu'on avait cité par rapport au sommeil. Donc, on sait que cette nuit-là, ils avaient du mal à trouver le sommeil. Les musulmans avaient du mal à trouver le sommeil. D'accord? À cause de quoi? On avait cité ça. La peur. Al-khawf. La peur. D'accord? C'est humain. Il y a la peur naturelle. D'accord? Il y a la peur naturelle. D'accord? Quand on dit tu ne dois craindre personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Si tu fais un accident, est-ce que tu vas avoir une peur? N'importe quelle personne va avoir peur. N'importe quelle, même si tu as l'imène, mashallah, à bloc. Tu vas avoir peur ou pas? Au moment de l'accident. C'est une peur naturelle, humaine. D'accord? Donc là, ils avaient peur. Ils étaient stressés. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tourné le dos. Ça ne veut pas dire qu'ils manquaient de certitude. Ça ne veut pas dire qu'ils manquaient de tawakkul ala Allah et azza wa jal. Ils étaient 319, en face il y avait 1000, armés jusqu'aux dents. C'est pas une masse à faire, c'est pas facile. Mais ils avaient une peur naturelle. Et ils avaient du mal à dormir. Par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal leur a fait qu'ils ont tous dormi pendant cette nuit-là. Et Allah azza wa jal a descendu une pluie bénéfique pour les croyants, d'accord, et un calvaire pour les associateurs. Allah azza wa jal, il fait ce qu'il veut. Allah azza wa jal, il fait ce qu'il veut. Une pluie dans le même endroit, bénéfique pour les croyants et qui a été néfaste pour les associateurs. Et au moment de leur réveil, ils se sont retrouvés, certains croyants, en état de janab. Donc ils étaient en état de souillure. Donc à ce moment-là, il fallait faire les grandes ablutions. Il fallait faire les grandes ablutions. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une pluie. Et Allah azza wa jal, il parle de cette pluie. Et il parle de cette nuit dans le Coran al-Karim, dans Suratul Anfal encore. D'accord? Allah azza wa jal, il dit... Et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité, de sa part. Et du ciel, il fait descendre de l'eau sur vous, afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs, et d'en raffermir les pas. Donc, Allah Azza wa Jalla parle de cette nuit, et il parle de cette pluie. Cette pluie a été bénéfique pour les croyants, et a été une inverse, a été une source de calvaire pour les associateurs. Ali radiyallahu anhu wa arda, il dit comme il est relaté dans un hadith rapporté par Ahmed avec une bonne chaîne de transmission. Cette nuit, je nous vois encore tous dormir. Cette nuit, je nous vois encore tous dormir. Ali raconte. À l'exception du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tout le monde a dormi cette nuit-là. Miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exception du prophète alayhi salatu wassalam. Il a invoqué toute la nuit et il dit... Je nous vois encore le jour de Badr, nous nous abritions tous autour du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était le plus proche de qui? Al-Adou, l'ennemi. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, le moment où tout le monde dormait, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moment où ils étaient dans le combat, tout le monde était autour du prophète alayhi salatu wassalam. Et au moment du combat, le prophète alayhi salatu wassalam n'allait pas se cacher. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était lui le plus proche de l'ennemi. Alayhi salatu wassalam. Et quand le combat a débuté, on avait dit que ici, il était de tradition qu'on prenait des combattants de chaque partie pour ouvrir le combat. Donc ils s'affrontaient un, deux ou trois, ça dépendait. Donc ici, quand le combat allait débuter, donc ici, ils ont proposé des combattants de leur part. D'accord? Donc les Mécois. Donc, comme il est relaté dans As-Sahih Abi Daoud. Donc ici, ils ont avancé Utba ibn Rabi'a, son fils, Utba ibn Rabi'a, et Al-Walid, et plutôt Afwan, son fils Al-Walid, et son frère Shayba. Donc ces trois hommes-là, qui faisaient partie des Mécois, donc se sont avancés. Et les autres ont avancé trois jeunes des Ansar. Donc les musulmans, les croyants, les hommes véridiques, ils ont dit, bon nous on avance trois jeunes des Ansar. Ils ont refusé. Pourquoi? Ils ont dit, nous on veut des gens de chez nous. Ils ont dit, eux c'est des Ansar qui habitent à Médine. Non, nous on refuse cela. Mettez-nous des gens de chez nous. Mettez-nous des gens de chez nous, c'est-à-dire de la Mecque, qu'on connaît, de nos tribus. Et voilà que le prophète alayhi salam a avancé qui? Trois hommes. Hamza radiyallahu anhu wa arda. Et il a avancé Ali ibn Abi Talib et Ubaida ibn al-Harith radiyallahu anhum. Donc trois hommes, ici Hamza, Ali et Ubaida ibn al-Harith. Hamza a combattu Utba, il l'a tué. Hamza a combattu Utba, il l'a tué. Ali a tué Shayba, tandis que Ubaida blessa Al-Walid et Al-Walid blessa Ubaida. D'accord? Ubaida a blessé Al-Walid. Et Al-Walid a blessé Utayba. Donc, il n'y avait pas une personne qui a vaincu. Mais comme Hamza et Ali avaient combattu leur ennemi, ils sont partis aider. Ils sont partis aider. Ils sont partis aider qui? Ubaida. Et ils ont tué, donc, l'ennemi. À ce moment-là, a éclaté la guerre et la grande bataille de Badr. Donc, ça y est, khlas. Ça, c'était pour ouvrir, et c'était les traditions qu'ils avaient pour ouvrir les batailles. Donc, à ce moment-là, la bataille a éclaté. L'attaque générale débuta. Et le prophète Ali Sallatou Wassalam, donc, il a ordonné aux archers de se positionner et de se mettre en place pour dégainer les flèches. Mais il leur a dit et il leur a ordonné de dégainer les flèches au dernier moment. Pourquoi? D'accord? Pour l'ennemi soit proche et après. Pour les viser mieux. Et pour perdre le moins de flèches possible. Pour perdre le moins de flèches possible. Les autres sont plus armés qu'eux. Mais regardez la stratégie du prophète alayhi salatu wassalam. La bataille éclate, il leur dit aux archers, positionnez-vous. Attendez au dernier moment pour économiser le maximum de flèches. Au dernier moment, lâchez vos flèches. Et ils ont exécuté. Donc à ce moment-là, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'ils sont à votre portée, lancez vos flèches et économisez-les. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Eux, ils étaient avec les flèches. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des pierres, il prenait de la poussière et il jetait sur eux. Des pierres et de la poussière contre des ennemis armés jusqu'aux dents. Des pierres et de la poussière et il jetait sur eux, alayhi salatu wassalam. Regardez ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il restait pas sans rien faire. Ali radiyallahu anhu arda a dit qu'il était le plus proche de l'ennemi. Et nous étions autour de lui. Parce que le prophète alayhi salam, non seulement il combattait, mais c'était lui qui quoi? Organisait le combat. C'était lui qui organisait le combat. Les archers, occupez-vous de ça. Et regardez, à ce moment-là, alors que le combat fait rage, regardez la réaction du prophète alayhi salam. Il met en place les archers, il prend du sable, de la terre, de la poussière, des pierres, et il jette. Il jette sur l'ennemi, et Allah azza wa jal révèle ce verset coranique, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَهُ. Allah, il parle du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. Allah Azza wa Jalla dit, ce n'est pas vous qui les avez tués donc avant ça, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais, c'est-à-dire une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Tous les Quraysh furent touchés par cette poussière que le prophète alayhi salatu wassalam jetait sur eux, et ceci bien sûr les déranger et leur causer du tort pour pouvoir continuer le combat contre les musulmans et les croyants. Alayhi salatu wassalam. Il avait l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a utilisé toutes les causes qu'il fallait utiliser et il les a utilisées comme il se doit. Comme il se doit. Il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comment voulez-vous qu'Allah azza wa jal ne lui vienne pas en son secours? Et le prophète alayhi salatu wassalam, en plein combat, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, en plein combat. Il organisait le combat. Il jetait cette poussière, ces pierres sur les ennemis et il se tournait vers la Qibla. Pendant le combat, il se tournait vers la Qibla, il levait ses mains au ciel, très haut au ciel, et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il implorait Allah azza wa jal. Et il demandait le secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demandait le secours à Allah azza wa jal. Parce qu'il savait très bien, il savait très bien qu'ils étaient très peu nombreux. Et que sans le secours d'Allah azza wa jal, ils ne pourraient jamais vaincre l'ennemi. C'est clair. Et donc ça montre encore que le prophète alayhi salatu wa salam utilisait les causes. Il n'a pas fait que de dua, parce que ça ne suffit pas. Il n'a pas que, yani, utilisé les causes comme le fait de positionner les archers, de préparer son équipe, son armée, d'attaquer, de s'organiser, d'attaquer lui-même, mais il a fait tout en même temps. Il savait qu'il fallait organiser l'attaque, qu'il fallait positionner les archers, qu'il fallait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et même au moment où il combattait, le prophète alayhi salatu wa salam, il levait ses mains et il invoquait Allah azza wa jal au point où son vêtement tombait tellement qu'il est levé haut. Et c'est pour ça que certains savants disent, yani, qu'il y a différentes ou différents types d'invocations. Et quand on se retrouve dans une situation où on implore notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, on invoque Allah azza wa jal parce qu'on est touché d'une grave épreuve, on veut supplier notre Seigneur tabaraka wa ta'ala de venir en notre aide, à ce moment-là, ce qui est le plus conseillé et le mieux, c'est de lever au maximum ses mains vers le ciel. Et on sait que de façon, yani, dans des hadiths, le prophète alayhi salam levait ses mains au ciel de telle sorte qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Et on voit ici dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam implorait son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils étaient dans une situation très difficile. Donc là, il faut implorer Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur l'implore. Et que son serviteur, yani, invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec, ici, confiance en lui. Avec certitude, et qu'il se rabaisse au maximum. Et qu'il montre à travers son invocation que quoi? Sans ton aide, ya Allah azza wa jalla, je ne pourrai jamais réussir. Sans ton aide, ya Allah subhanahu wa ta'ala, je suis perdu. Et c'est à quel moment où on invoque Allah azza wa jalla qu'on invoque Allah azza wa jalla de cette manière? C'est quand on se retrouve dans les situations les plus difficiles. Dans les situations les plus difficiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur soit dans cette situation. Allah azza wa jalla, il aime ça. Et c'est pour ça que الدعاء هو العبادة وفي رواية الدعاء مخ العبادة comme le prophète عليه الصلاة والسلام a dit الدعاء c'est l'adoration même. الدعاء c'est l'adoration même parce que dans le دعاء tu montres et tu fais vraiment apparaître la certitude que t'as envers Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance que t'as envers Allah azza wa jal. On retrouve التوحيد dans Ad-Dua. Tu montres que tu es faible, tu te rabaisses devant Allah Azza wa Jal. Tu montres et tu prouves qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le riche et c'est lui qui donne. Et ce que donne Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre que lui ne peut le donner. Et Allah Azza wa Jal aime ça. Et ça, c'est ça le tawhid. Ad-Dua huwa al-ibada. Ad-Dua, la vocation, c'est l'adoration même, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa salam invoquait son Seigneur tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que son vêtement tombe, et ici il y avait ici des compagnons qui venaient qui lui remontaient son vêtement, et parmi eux Abu Bakr. Rapporté par l'imam muslim, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, pendant le combat, le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné en direction de la Qibla. Et d'après ce athar de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, rapporté par muslim, on sait que ce qui est conseillé, c'est que quand on invoque notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, on se tourne vers la Qibla. Clair? Donc Umar ibn al-Khattab, il rapporte, il dit, pendant le combat, donc Ghazwatu Badr, le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné en direction de la Qibla. Et il a invoqué contre Quraysh jusqu'à ce que son vêtement soit tombé, et Abu Bakr radiyallahu anhu arda a ramassé le vêtement et l'a remis sur ses épaules, et il a dit, ô prophète d'Allah, c'est-à-dire Abu Bakr, ô prophète d'Allah, après toutes ces invocations, ton Seigneur réalisera certainement ce qu'il t'a promis. Regardez les sahaba, ils sont avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il lève ses mains. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui reçoit la révélation de la part d'Allah azza wa jal. Il demande à Allah azza wa jal, et c'est un compagnon qui, en quelque sorte, remonte et raffermit, et la cause du raffermissement du prophète alayhi salatu wassalam. Il remonte le moral au prophète. Il dit, ya Rasulallah, avec ces invocations, Allah azza wa jal ne te laissera pas. Allah Azza wa Jalla nous secourra. Allah Azza wa Jalla ne nous laissera pas et ne nous abandonnera pas. Regardez les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et ça nous rappelle que même si une personne a une science au-dessus de toi, même si une personne est au-dessus de toi quant à ses actes d'adoration, même sa piété, l'insan a toujours besoin de quoi? a toujours besoin de quoi? Du soutien, qu'on lui remonte le moral. Al-insan, c'est comme ça. L'être humain a toujours besoin qu'on lui remonte le moral, qu'on l'assiste, qu'on le soutienne. D'accord? Et pas qu'on le démoralise. Hein? Comme tu vois, certains, quelquefois, ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Qui a pas de soucis ici? Qui a pas de problème? Il lève sa main. Qui a pas de problème? Ça n'existe pas. Tout le monde a des problèmes. D'accord? Mais il y a problème et problème. D'accord? Peut-être qu'il y a une personne d'entre nous qui va nous dire au jour d'aujourd'hui, j'ai des problèmes, mais ça n'a rien à voir avec le problème que j'ai eu il y a 2 semaines, ou il y a 1 an, ou il y a 6 ans. D'accord? Mais quand vous avez des problèmes, n'importe quel problème, surtout les gros problèmes, est-ce que quelqu'un peut dire le contraire de ce que je vais dire maintenant? Est-ce qu'on n'aime pas que quelqu'un vienne et nous soutienne? Est-ce qu'on se sent pas bien quand quelqu'un vient et te soutient? D'accord? Tout le monde aime ça. Quand tu as beaucoup de problèmes, quelqu'un vient et te remonte le moral. Et il suit ton problème. Et c'est ça le croyant. Al-mu'min, comme le prophète alayhi sallam a dit dans le Sahih, il dit le croyant est comme un même corps. Il est comme un même corps. Quand une partie de ce corps ressent une douleur, c'est tout le reste du corps qui empathie, qui souffre. Le croyant, il est pareil. Les croyants sont de la même, yani, c'est une sorte de métaphore pour montrer que les croyants sont comme un même corps. C'est-à-dire si les croyants, Mohammed, Rachid, Karim, Abdallah, a un problème, ici ça doit être en quelque sorte ton problème aussi. Et si c'est en quelque sorte ton problème, tu dois le soutenir, c'est un devoir pour toi, tu dois l'assister, tu dois le conseiller, ad-din an-nasiha. C'est pas tu sais qu'un frère a un problème, a un souci, et tu t'informes jamais sur son problème. D'accord? Surtout quand il en a besoin. On n'a pas dit d'être curieux comme certaines personnes, ils cherchent à savoir tous les problèmes qu'ont les gens. Al-umur bimaqasidiha. Innama al-a'mal bin-niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. Si ton intention c'est la curiosité, je veux savoir tous les problèmes qu'ont les gens, ça bien sûr tu es blâmé. Mais si c'est pour soutenir ton frère et tu as des paroles douces à lui apporter, tu sais comment le conseiller et tu cherches la satisfaction de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, à toi de le faire. Va l'assister, va le soutenir. Amma le fait de t'occuper que de tes problèmes, et que tu aimes bien que quand tu as des problèmes, les gens viennent te soutenir, mais tu fais jamais attention aux problèmes qu'ils ont les gens, ça tu es dans un égarement, ya akhil karim. À toi de soutenir ton frère. Et quand tu sais que ton frère a un problème, assiste-le. Et voilà Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, qui dit, comme on l'avait mentionné, il dit, ikhwani ahabbu ilayya, mes amis, mes frères, sont plus aimés auprès de moi que qui? Min ahli wa awladi, que ma famille, que mes enfants. Pourquoi? Parce que mes frères me font rappeler al-akhira. Yudhakkirunani bil akhira. Ils me font rappeler al-akhira, l'au-delà. Tandis que ma famille, mes enfants, me font rappeler ad-dunya, les responsabilités, les courses, etc. Donc, on voit que quoi? Le frère est là pour quoi? Te faire rappeler al-akhira. Te soutenir. T'aider dans l'avancée de ta religion. C'est pas simplement, moi j'ai des problèmes, je veux que tu me soutiennes. Mais quand toi t'as des problèmes, peu importe. Le problème de ton frère, c'est ton problème. Réagis avec lui ou essaye de réagir avec lui comme si toi, tu étais confronté à ce problème-là. Là, tu montres que tu as compris la religion comme il se doit. Sinon, c'est quoi? De l'égoïsme. Sinon, c'est de l'égoïsme. C'est du pur égoïsme. Que ça concerne le frère ou la sœur. Ta sœur a un problème, c'est ton problème. Le frère a un problème, c'est ton problème. C'est comme ça le musulman. Et c'est comme ça, ici, qu'on raffermit les rangs et qu'on solidifie la communauté et qu'on peut avancer. À moins que chacun agisse avec égoïsme, ça, ce n'est pas du tout la tradition prophétique et l'éducation qu'a apporté le prophète alayhi salatu wassalam aux compagnons. Et ce n'est pas du tout, ceci ne relève pas du tout de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr radiallahu anhu arda, comme on a dit au prophète d'Allah, après toutes ces invocations, ton Seigneur réalisera certainement ce qu'il t'ont ou ce qu'il t'a promis. Et Allah azza wa jalla a révélé dans le Coran al-Karim, il dit, rappelez-vous, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous a secouru aussitôt. Et qu'il vous a secouru aussitôt. En disant, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns après les autres. T'as fait les causes. T'as agi avec intelligence, avec piété, avec science. T'as invoqué ton Seigneur. T'as pas délaissé l'invocation. Prophète alayhi salatu wassalam, pendant la nuit où ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Cette nuit-là où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, par sa miséricorde, ce sommeil, d'accord, qui les a couverts. Tout le monde est resté dormir, sauf le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il restait faire? Invoquer Allah azza wa jalla. Et au moment du combat, le prophète alayhi salatu wassalam, ça fait rage. Toi, tu vas penser au combat? Tu vas penser à Afwan al-Du'a? Tu es en train de prendre les armes, t'es dans le combat. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers la Qibla. Il se concentre. Il lève ses mains au ciel et il implore son Seigneur. Et il implore Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve que quoi? Ça nous rappelle quoi encore? Que ad-du'a, tu ne lâches pas de du'a. Avant ton problème, pendant ton problème, et après ton problème. Avant que tu veux entreprendre une affaire, pendant que tu entreprends cette affaire, et après que tu as entrepris cette affaire. Ad-du'a, tu ne la lâches pas. Ad-du'a, tu ne la lâches pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous le mentionne. Et il rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith al-sahih, il rit. Allah azza wa jalla rit. Al-kayfu majhoul. Le comment est inconnu. La croyance en cela est obligatoire. Allah azza wa jalla rit d'une personne qui ne cessait d'invoquer Allah azza wa jalla. Et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala allait accepter son invocation, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait tant et tant de temps que je n'arrête pas d'invoquer Allah azza wa jalla, il ne m'a pas donné, moi j'arrête. Allah il rit de cette personne, pourquoi? Parce que juste Allah subhanahu wa ta'ala, il allait accepter son invocation. Subhanallah. Allah il rit de cette personne. Hadith en sahih. Donc là, ça nous rappelle que quoi? On ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et comme il disait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda, nous, on se concentrait plus dans le comment de l'invocation que dans l'exaucement de l'invocation. Il s'attardait plus, il se concentrait plus ici dans le fait de faire bien son invocation, d'invoquer Allah Azza wa Jal comme il se doit, de chercher les moments où l'invocation est acceptée, de réunir les conditions pour que l'invocation soit acceptée. Il se concentrait plus dans ça que dans quoi? Que dans le fait qu'Allah Azza wa Jal exauce leur invocation. Nous maintenant, c'est ça ou c'est l'inverse? Nous maintenant, le fait de chercher les moments où l'invocation est acceptée, réunir les conditions pour que l'invocation soit acceptée, se concentrer dans l'invocation, nous on se concentre peu dans ça. Mais on se concentre dans quoi? Mais quand Allah Azza wa Jal va m'accepter mon invocation? Mais quand le secours d'Allah Azza wa Jal va venir? Mais quand Allah Azza wa Jal va diminuer mes soucis, mes tristesses, etc. Nous, on ne veut que le résultat. Alors Omar ibn al-Khattab, il rappelle qu'eux, ils se concentraient dans quoi? Dans le comment. Comment tu fais ton invocation? Amma l'exaucement, ne cherche pas. Yani, à t'attarder sur cette question. Quand Allah? Abadan. Toi, concentre-toi dans la façon d'invoquer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Utilise les causes et place ta confiance en Allah Azza wa Jal et ne désespère pas. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal t'acceptera ton invocation. Et comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans un hadith al-sahih, quand une personne invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, ou Allah Azza wa Jal accepte son invocation, ou il devait arriver une chose mauvaise ou nuisible, et par la cause de cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala t'a écarté cette chose nuisible ou mauvaise de ton chemin, ou bien Allah Azza wa Jal te laisse la récompense pour le delà. Donc dans tous les cas, quand tu invoques ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, il y aura un résultat. Donc ne désespère pas. Le prophète alayhi salam l'a dit, il y a trois choses. Soit ton invocation va t'être acceptée, soit la récompense est pour le delà, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala, par la cause de cette invocation, il va écarter de ton chemin une chose mauvaise ou une chose nuisible ou quelque chose qui allait, une chose de mal qui allait te toucher, accident ou je ne sais quoi encore. Donc dans tous les cas, alhamdulillah, invoque ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, place ta confiance en Allah azza wa jal et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici Allah azza wa jal leur a informé qu'il allait faire déferler un millier d'anges. 319. Ils n'ont pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Ils ont été au combat. Résultat, 1 millier d'anges avec eux. 1 millier d'anges. Et bien sûr, donc ils étaient 319 à combattre avec des milliers d'anges. Ou avec 1 millier d'anges. Rapporté par l'imam muslim, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit, lorsqu'un musulman, et il raconte maintenant Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et là on est dans le combat, il raconte comment ça se passait, ce combat-là, des musulmans, accompagné des anges. Parmi les récits authentiques, on a ce hadith rapporté par Muslim, selon Ibn Abbas, ou ce Athar, qui dit, radiyallahu anhuma, lorsqu'un musulman s'apprêtait à combattre contre un Mekouas, il entendit, c'est-à-dire le musulman qui s'apprêtait à combattre avec le Mekouas, ce musulman entendit le bruit d'un cavalier, le bruit d'une cravache. Il entendit le bruit d'un cavalier avec le bruit d'une cravache. Ce musulman qui s'apprêtait à combattre le non-musulman. Et à ce moment-là, ce musulman dit, je me suis retourné vers le Mekouas, et il trouvait son nez brisé, mutilé, et ici, il dit, il était mutilé et son visage était déchiré à cause du coup de la cravache. À cause du coup de la cravache. Il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a raconté ce qui s'était passé. Et il dit, je n'ai entendu que quoi? Que le bruit d'une cravache et le bruit d'un cavalier. Et j'ai retrouvé cette personne allongée, le nez mutilé et le visage déchiré. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, voilà l'aide d'Allah, azza wa jal, qui vient du troisième ciel. Donc c'est qui? Al-Malaïka sont en train de combattre avec vous. Les anges sont en train de combattre avec vous. Et ils ne voyaient rien. Ils entendaient des bruits et ils voyaient des têtes qui tombaient. Et ils voyaient des visages déchirés. Et ils voyaient des nez mutilés. Voilà que le Malaïka combattait avec eux. Allah Azza wa Jalla dit dans Suratul Anfal, verset 12, il parle de cet événement. Et je cite certains versets coraniques simplement concernant cet événement. Et je vous invite à retourner à Suratul Anfal. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Allah Azza wa Jalla révéla aux anges, je suis avec vous. Je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ce parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Quiconque désobéit à Allah et à son messager. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Regardez ce que le prophète, ce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Et ça s'adresse à toute personne qui désobéit à Allah et à son messager. Et il dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux mécréants, le châtiment du feu sera réservé. Oh, vous qui croyez, quand vous vous rencontrez, ou quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Ne leur tournez point le dos. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique du combat. Par stratégie, par tactique. Par tactique du combat, ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Il encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. Son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. La menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve que quoi, le fait de tourner le dos lors du combat, c'est min al-kaba'ir. Ça fait partie des grands péchés. Et on voit qu'ils ont combattu. Ils n'ont pas tourné le dos, sinon ça aurait été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Ils ont affronté l'ennemi. Et ils ont été fiers et véridiques et sincères, et ils ont été aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont reçu cet honneur, c'est de quoi? De combattre auprès des anges, al-malaïka, envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les conclusions qu'il y a concernant cette bataille, Allah azza wa jal, il montre que ça a été une victoire, et que cette victoire a été accordée par Allah azza wa jal. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il jetait, ce n'était pas lui qui jetait, mais c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui le jetait. C'est-à-dire qu'il jetait ce sable ou cette terre ou ces pierres par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a mis l'effet sur cette poussière ou sur cette terre qu'il jetait, jusqu'à ce que cette poussière et cette terre a touché tous les ennemis. Et ça leur a été nuisible. Quand ils ont gagné la victoire, ce n'est pas dû ou par la cause de leur propre force à eux, mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, wa laqad nasarakumullah. Allah, wa laqad nasarakumullah bi badrin wa antum adhillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Al-ayat. Donc il y a plusieurs versets qui parlent de cet événement et de cette bataille, et Allah azza wa jalla dit, wa laqad nasarakumullah bi badr wa antum adhillah. Allah azza wa jalla vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humilié. Alors que vous étiez humilié. Donc Allah Azza wa Jalla leur rappelle, la victoire elle n'est pas venue de vous. Ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissants. D'accord? Et ça c'est un message de façon générale à tous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te facilite une affaire, il te porte secours, il te dissipe des soucis et des tristesses, rappelle-toi que celui qui t'a porté secours et qui t'a arrangé et facilité cette affaire et qui a dissipé tes soucis et tes tristesses, ce n'est pas Foulan ibn Foulan, une personne qui t'a porté secours ici-bas, mais ceci vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il y a eu des causes, mais c'est Allah azza wa jal qui a dissipé tes soucis et tes tristesses, et qui a éloigné le mal de toi. Wa iyamsaskum, ou wa iyamsaskallahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Quand Allah azza wa jal fait qu'un mal t'atteigne, nul ne peut ôter ce mal, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Nul ne peut ôter ce mal, si ce n'est Allah azza wa jal. Donc sois reconnaissant. Quand tu vois que, alhamdulillah, une affaire s'est facilitée, un souci s'est en allé, sois reconnaissant. Et al-shukr, ce n'est pas simplement avec la langue, al-shukr, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit c'est avec quoi? Avec le cœur et les membres. وَعْمَلُوا آلَ دَوُودَ شُكْرًا, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et œuvrez, ô vous, famille de Daoud, avec reconnaissance. Œuvrez, وَعْمَلُوا, œuvrez, ô vous, famille de Daoud, avec reconnaissance. Les savants ont déduit de ce verset coranique que la reconnaissance se fait par le cœur et aussi par les membres. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné une richesse, et ben utilise, sois reconnaissant auprès d'Allah Azza wa Jalla avec cette richesse. Donne, fi sabilillah. Donne et aide ton frère avec la richesse qu'Allah Azza wa Jalla t'a octroyée. Invite des gens, dépense dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla cette richesse et cet argent-là. Allah t'a donné la santé, utilise cette santé, fi sabilillah. Travaille pour aider ton frère, pour porter secours à ton frère, pour la construction d'une mosquée, fi sabilillah Azza wa Jalla de façon générale. Allah Azza wa Jalla t'a donné la vue, sois reconnaissant avec cette vue et regarde les choses qui sont licites et qui sont permises dans l'islam et au niveau de la charia, de la législation islamique, et pareil, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla t'a donné une habitation où tu vis, où tu rentres et où tu trouves le repos, et ben sois reconnaissant auprès d'Allah Azza wa Jalla quant à cette habitation et utilise cette habitation comme il se doit. Invite des personnes chez toi et nourris des personnes chez toi et fais dormir des personnes qui n'ont pas où dormir chez toi et utilise cette habitation ici, mais là au service aussi des gens qui n'ont rien. Et c'est comme ça qu'on est reconnaissant en islam. C'est pas qu'avec la bouche c'est trop facile, tout le monde va être reconnaissant, tout le monde va être pieux, tout le monde peut être savant, tout le monde peut être je ne sais quoi, lakin c'est avec l'application, avec les membres. Et donc ici on voit que Allah Azza wa Jalla met en garde sur le fait de ne pas être reconnaissant et de ne pas reconnaître que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous porte secours. Et Allah Azza wa Jalla rappelle qu'ils étaient humiliés. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés, craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Et certes, ils ont été radiyallahu anhum wa ardahum reconnaissants, et c'est pour ça qu'on dit afhamun nas wa atharun nas wa khayrun nas ba'da al-anbiya'i wa ar-rusul radiyallahu anhum wa ardahum as-sahaba. Les personnes les plus pures et les personnes qui ont compris le mieux cette religion, les personnes les plus véridiques et les plus sincères, les meilleurs des gens après les prophètes et les envoyés à l'unanimité des savants bi ijma' al-ulama, ce sont qui? Les compagnons qu'Allah Azza wa Jalla les agrée tous. Et Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf et Uqba étaient ou faisaient partie des têtes des Mekwa, des Quraysh. Et pendant cette bataille de Badr, ils ont été tués. Pendant cette bataille de Badr, ils ont été tués et il y a eu du côté des Mekwa, des Quraysh, il y a eu à peu près 70 morts. Il y a eu 70 morts dont les têtes ou ceux qui faisaient partie des leaders parmi les Mekwa. 70 morts. Et parmi eux, il y avait Abu Jahl, ce grand criminel, la'anahu Allah, celui qui est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla le maudisse. Cette personne-là qui a voulu attaquer ici le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam et les compagnons, qui est sorti avec 1000 hommes et qui a dit on va sortir avec des femmes et on va boire yani du vin et on va égorger des chameaux et on va rester 3 jours à Badr pour montrer notre force. Et ils sont sortis avec des femmes qui chantaient et avec des tambourins, et Allah azza wa jalla a parlé d'eux et il dit dans le Coran al-Karim, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. Et on avait cité ce verset coranique qui parle de quand Allah Azza wa Jalla dit ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui sont sortis avec arrogance. الذين خرجوا من ديارهم بطرا, avec arrogance, ورئاء الناس, et avec ostentation, ويصدون عن سبيل الله, et qui obstruait le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit ne soyez pas comme eux. Et toute personne qui sort pour obstruer le sentier d'Allah Azza wa Jalla, et ceci avec arrogance, et ceci avec ostentation, il est concerné par ce verset coranique, wal'iyadu billah. On n'obstrue pas le sentier d'Allah Azza wa Jalla comme certains le font au jour d'aujourd'hui. Et qui se disent suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et ils ne savent rien faire d'autre que quoi? Mettre des bâtons dans les roues pour obstruer le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla nous met en garde dans le Coran al-Karim. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de chez eux avec arrogance et ostentation pour obstruer. Ils ont obstrué le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça leur al-maqsoud, ce qui était visé par eux quand ils étaient sortis de chez eux. Abu Jahl est mort, Umayya ibn Khalaf ainsi que Uqba est mort, et avec eux, ou en tout il y avait à peu près 70 personnes qui sont décédés. Et dans Al-Fath, Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari, il rappelle et il dit, il cite cet événement, il dit, après la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam, après la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de transporter le corps des associateurs, des Quraysh. Donc ça y est, ils sont morts, il y avait à peu près 77. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné de prendre tous ces corps, de les transporter et de les lancer dans les puits de Badr. Et trois jours après, le prophète alayhi salatu wassalam, après la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam est revenu. Et il s'est dirigé vers un des puits où étaient ses associateurs. Et certains disent qu'il y avait les têtes, ou les plus grandes des têtes, dans ce puits-là. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a commencé à parler avec eux. Et ceci, comme disent les savants, et ça c'est la parole la plus prépondérante des savants, c'est que ceci est spécifique, ou cet événement est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Le fait de parler aux morts, comme l'a dit Qatada, radiyallahu anhu wa arda, comme on va le voir à la fin de l'histoire, qui est rapportée dans Al-Fath par Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, a parlé avec eux. Et ils ont entendu le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a parlé avec eux, et dans ce puits, certains disent qu'il y avait 24 des hommes. Et il les a appelés un après l'autre par leur nom et le nom de leur père. Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Il les a appelés un tel fils d'un tel, un tel fils d'un tel, un tel fils d'un tel. Et il leur dit, seriez-vous pas réjouis si vous aviez obéi à Allah et à son prophète? Il leur a parlé et ils ont entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Seriez-vous pas réjouis si vous aviez obéi à Allah Azza wa Jalla et au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire à lui? Et ensuite il dit le prophète, il dit, nous avons trouvé la promesse d'Allah. Il dit aux morts, nous avons trouvé la promesse d'Allah comme vraie ou comme vérité. Est-ce que vous avez trouvé la promesse d'Allah Azza wa Jalla? Il parle aux morts. Et Omar ibn al-Khattab dit, comment peux-tu parler à des corps sans âme, ya Rasulallah, à des personnes qui sont mortes? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ils entendent comme vous vous entendez, avec une traduction approximative. Au kamaqal alayhi salatu wassalam. Il a dit le prophète alayhi salam, ils entendent, yarhamukallah, ils entendent de la même manière que vous vous entendez, si ce n'est mieux. Et Qatada radiyallahu anhu wa arda wa rahimahullahu ta'ala, il dit, Allah azza wa jalla a donné vie à ces gens pour qu'ils entendent le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur a donné vie à ces personnes-là qui étaient enterrées là ou qui étaient dans ce puits-là, ici pour qu'ils entendent le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourquoi? Pour que ça soit un supplice en plus. Parce que le fait de savoir qu'est-ce qu'il t'attend, ça y est, tu es là, tu es mort. Imaginez-vous le supplice. Et Allah Azza wa Jalla te redonne vie. Et tu sais que quelques instants après, tu vas repartir dans ce monde. Al-Barzakh, le monde intermédiaire. Entre la mort et le jour de la résurrection. Et qui t'attend que le feu An-Nar. Et que tu entendes le prophète alayhi salatu wassalam qui dit, seriez-vous pas réjouis si vous avez obéi à Allah et au prophète? Ici, on sait que quelquefois le fait de regretter quelque chose, ça te fait mal. C'est vrai ou pas? Et c'est pour ça que dans la vie d'ici-bas, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Ne dites pas si. Quand il vous arrive quelque chose de mal, ne dites pas si. Si j'avais pris tel chemin, si je serais parti mardi, si j'avais pas dit ça, si j'aurais pris une autre décision, si j'aurais... Ça, on le dit tous, et moi le premier malheureusement. Et ça est interdit par le prophète. Ça a été interdit par le prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète, il dit, ça c'est une porte ouverte à qui? À shaytan. C'est une porte ouverte à shaytan. Mais dites, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Dites, ça y est, khlas, ça c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie du destin d'Allah azza wa jal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Si c'est un malheur qui t'arrive, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va te rajouter que quoi? Remords. Et peut-être ça va être la cause des quoi? Des conflits. Pourquoi je t'ai écouté si je t'avais pas écouté? Ça y est, khalas, dès que tu dis si, sache que ça y est, t'as ouvert une porte à shaitan, tais-toi et dis alhamdulillah ala kulli hal, avance. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Donc avance, ça sert à rien. C'est le prophète qui l'a dit. Et on sait très bien que si par exemple on a entendu une décision ou alors un avis qu'un frère nous a donné, et le résultat était mauvais, et si on utilise la porte de si, obligatoirement on va avoir de l'aversion, on va se, entre guillemets, prendre la tête avec ce frère. C'est vrai ou pas? C'est obligé. Donc la preuve que quoi? Le prophète alayhi salam encore, il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Le prophète, il ferme la porte à tout conflit, et à tout regret, et à tout remords. Alhamdulillah ala kulli hal. Ça c'est la preuve que quoi? C'est la preuve que le fait de de regretter une chose, ça rajoute quoi? De la tristesse, des soucis, de l'amertume. Voilà le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur parle. Et ceci est une cause de quoi? De rajout de leur amertume et de leur regret. Et ça va leur faire encore plus mal. Un châtiment en plus. Seriez-vous pas réjouis si vous n'aviez pas obéi à Allah et à son messager? Bien sûr que si. Et donc là, ça leur fait regretter. Yawmun nadam, le jour du regret. Mais ça ne servira plus à rien de regretter à ce moment-là. C'est trop tard. Et donc voilà, ici le prophète alayhi salatu wassalam qui leur rajoute encore un châtiment. Et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, quand ils ont gagné cette bataille, et ils ont reconnu que ceci venait, c'était une miséricorde de la part de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, et ceci, ici, nous donne une leçon, et donne une leçon à l'ensemble des musulmans, qui nous rappelle où cette leçon est, que ce n'est pas du tout le nombre qui compte, mais c'est la qualité en islam. De façon générale, comme je le dis, je le répète, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité, et la plus grande des leçons qu'on a concernant ce sujet-là, dans l'histoire de l'islam, c'est cette bataille qui est la bataille de Badr. Ils ont gagné, bien sûr. Ici, ils ont eu un butin. Il y avait le butin aussi. Et on retrouve ici ce qui s'est passé dans la bataille de Badr, dans Surat Al-Anfal, le butin. Et Allah Azza wa Jal, il a parlé du butin principalement concernant la bataille de Badr. Pourquoi? Ils ont divergé. Quand ils ont eu le butin, ils ont divergé. Il y a eu certaines divergences entre eux. Dans le butin, une part va là, une part va à droite, une part doit aller à gauche, une part revient à celui-là, une part... Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du butin et leur a éclairci concernant ce sujet qui est le butin, car il n'y avait pas eu encore de révélation concernant le butin et comment réagir face au butin. Et Allah azza wa jalla dit « Yas'alounaka anil anfal, qul il anfal lillah wa rasoul, fattakullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati'ullah wa rasoulah in kuntum mu'minin. » Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Anfal, verset 1, le premier verset coranique. Et il dit, il t'interroge au sujet du butin. Dis, c'est-à-dire au toi, Muhammad, alayhi salatu wa salam, قول, dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Regardez Allah Azza wa Jalla. Il rappelle encore que quoi? Le butin, ou n'importe quel autre sujet, ne doit pas être la cause de la dispute entre nous. Je parle entre musulmans, entre croyants. Faut pas qu'il y ait des sujets qui soient une cause de dispute entre nous jusqu'à ce que le frère tourne le dos à son frère et ne lui parle plus sans raison valable. Car il y a certains cas, bien sûr précis, où le fait de tourner le dos à son frère pour lui donner une leçon, et si c'est bénéfique, le fait de lui tourner le dos plus bénéfique que le fait de ne pas lui tourner le dos, il y en a dans des cas. Dans certains cas, certaines exceptions, de façon générale, Allah Azza wa Jalla nous rappelle que quoi? Il ne faut pas se disputer. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ صَابِرِينَ. Et ne vous disputez pas, sinon vous allez fléchir et perdre vos forces et patienter. Certes Allah est avec, et certes Allah est avec les patients. Le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah! Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager. In kuntum mu'minin. Si vous êtes croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore dans le Coran al-Karim, et il parle du butin, et il dit, et sachez que tout butin, dans Surat al-Anfal aussi, verset 41, et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Bien sûr, les voyageurs qui sont en détresse. Donc Allah Azza wa Jalla parle du cinquième et il rappelle à qui est le cinquième. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du butin alors qu'avant, il n'avait pas parlé et détaillé le comportement à avoir quand concernant le butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et il fait honneur aux martyrs aussi, de la bataille de Badr et des martyrs de façon générale, parce qu'il y a eu des gens qui sont morts du côté des musulmans. Eux, ils étaient 1000 et il y a eu 70 morts. Les musulmans étaient 319 et il y a eu 14 morts. Regardez la différence. Ils étaient 1070 morts. Ils étaient 319, 14 morts. Mais il y avait le malaïka avec eux. Mais leurs morts sont en enfer. Les morts concernant les associateurs. Tandis que les morts des musulmans sont au paradis. Allah Azza wa Jalla le rappelle quand il dit dans le Coran al-Karim, Surat Ali Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. الله يدي في القرآن الكريم concernant les martyrs de Badr et de façon générale, ne pense pas que ceux qui sont tués ou qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ça, c'est les martyrs de Badr principalement, et ça concerne principalement les martyrs de Badr. رضي الله عنهم وأرضاهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, les martyrs. Donc encore rappeler l'honneur qu'ont eu ses compagnons. L'honneur qu'ont eu ses compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, est rapporté par l'imam al-Bukhari aussi. Ici, il y a l'histoire de Haritha, radiyallahu anhum wa ardah, qui est mort pendant la bataille de Badr par une flèche perdue. Et ce jeune homme est mort et sa mère est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et s'est informée du devenir de son fils qui était Haritha. Et elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, est-il au paradis, ya Rasulallah, ou bien est-ce le contraire, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas voué au paradis, et si c'est le cas, je pleurerai comme personne n'a jamais pleuré. Et certains savants ont dit que quand elle a dit cette parole, parce que à son époque ou lors de cet événement, l'interdiction n'était pas encore venue concernant le fait de pleurer à voix haute et en criant, comme le faisaient les Arabes à l'époque de l'Jahiliya. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé à cette femme-là, et il lui a dit, sache qu'il n'y a pas qu'un jardin au paradis, mais il y a 8 jardins au paradis, et ton fils est dans le jardin le plus haut du paradis qui est Al-Firdaus Al-A'la. C'est-à-dire Al-Firdaus, le jardin ou le degré le plus haut du paradis. Et parmi eux, il y avait Haritha radiyallahu anhu, ou Haritha radiyallahu anhu wa arda. Et ça, c'est pour rappeler encore les mérites qu'avaient ces personnes qui sont mortes pendant la bataille de Badr. Mais ils ont eu tous ces mérites, pourquoi ? Parce qu'ils ont été sincères. Ils ont été véridiques. Ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont pas précipités. Ils ont été opprimés pendant des années. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a toujours dit, patientez, ce n'est pas le moment. Ne vous précipitez pas. Ils ne sont pas sortis des rangs du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne se sont pas rebellés contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont obéi à Allah et à son messager. Ils ont été satisfaits du jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pas facile. Le fait de suivre un homme, même s'il est prophète, et qui nous dit de patienter, alors que pendant des années, on voit notre mère mourir, notre père mourir, se faire torturer, nos enfants, on se fait piller, on doit partir de notre ville, on doit délaisser tout ce qu'on a dans notre ville natale. Et le prophète nous dit patienter. Et ils se font séquestrer. Et ils se font maltraiter. Le prophète leur dit patienter, ceci pendant des années. Tout simplement pourquoi ? Ils ont compris qu'ils devaient obéir au prophète alayhi salatu wassalam sans lui désobéir et accepter cet ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et tout en ayant le cœur apaisé, sans trouver aucune gêne quant à la décision du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, maintenant c'est le combat, on a droit de se défendre, ils sont restés fermes. Et ils sont restés avec le prophète, ils sont restés dans les rangs du prophète alayhi salatu wassalam, et ils n'ont pas tourné le dos. Même quand ils ont vu l'ennemi qui était de 1000, la troupe ennemie qui était de 1000 personnes, avec des centaines de chameaux et de chevaux, et ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils sont restés avec le prophète alayhi salam, ils ont prouvé qu'ils avaient confiance en Allah azza wa jal, et ils avaient la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà ici les causes qui ont fait qu'ils ont eu tous ces mérites, et ils sont cités ici certes de façon indirecte, sans que leur nom soit cité dans le Coran al-Karim, mais bien sûr Allah Azzawajal parle de eux et parle de cette bataille qui est Badr, et c'est un honneur. On parlera d'eux et les musulmans parleront d'eux jusque la fin du monde, Inch'Allah Ta'ala, car leur histoire et l'histoire de Badr est citée dans le Coran al-Karim, et les musulmans dans le monde entier récitent et lisent ces versets coraniques qui concernent la bataille de Badr, et ceci nous rapporte ou nous rappelle le grand mérite des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallillahumma wa sallim wa zidu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, alhamdulillahi rabbil alamin, et la suite la semaine prochaine, inshallah ta'ala, wa jazakumullahu khair.